specific attention to this. Écoutez cela attentivement. What I'm going to say here. Ce que je vais dire ici. On the role of the Holy Spirit. À propos du rôle du Saint-Esprit. This year. Cette année. The importance of the Holy Spirit. À propos de l'importance du Saint-Esprit. Across the face of the earth. À travers toute la terre. Now, what is going to be the role of the Holy Spirit this year? Maintenant, qu'est-ce que va être le rôle du Saint-Esprit cette année? The Bible is very clear. La Bible est très claire. When the Bible speaks about the person of the Holy Spirit. Quand la Bible parle à propos de la personne du Saint-Esprit. And the Bible spells out. Et la Bible décrit the jurisdiction of the Holy Spirit. La juridiction du Saint-Esprit. So I want to touch on a few regarding this year. Alors je vais toucher cela un peu concernant cette année. To begin with, pour commencer avec, I want to say this. Je désire dire ceci. That when the Lord planned to send the Holy Spirit to the church. Quand le Seigneur a planifié d'envoyer le Saint-Esprit à l'Église. He knew that at one point he would take away Jesus the Messiah. Il savait que à un certain point il va reprendre le Seigneur Jésus le Messie. And then now he would bring the Holy Spirit. Et alors à ce moment il va amener le Saint-Esprit. That in the process. Que dans le procédé. After Jesus the Messiah. Après que Jésus le Messie has completed his work on the cross, a accompli son œuvre à la croix, and been raptured on the eastern slope of the Mount of Olives, a été enlevé au mont des Oliviers, the Lord knew, le Seigneur savait, that there would be greater need, qu'il y aurait un plus grand besoin, in the church. Dans l'église, for the revelation of what Christ had just done. De la révélation de ce que Christ a fait. In other words, to reveal that mystery on the cross. En d'autres mots, de révéler ce mystère de la croix. More and more to the church. Plus en plus à l'église. In other words, en d'autres mots, only the Holy Spirit of the Lord. Seul le Saint-Esprit du Seigneur is actually delegated. Est actuellement délégué. With revealing more and more of the person of Christ. Pour révéler de plus en plus la personne de Christ. In the church. Dans l'église. And by church I mean globally. Et par église. Je pense globalement. Even those who are not yet born again. Même ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. They belong to the church. Ils appartiennent à l'église. Those who are out there. Ceux qui sont dehors. Died for them also. Il est aussi mort pour eux. And so, the first important role. Et alors, le premier rôle, le plus important. As a foundation for this message here. En tant que fondation pour ce message ici, is that the Holy Spirit was delegated, et que le Saint-Esprit a été délégué, with revealing more and more of Christ to you, the church, pour révéler de plus en plus Christ à vous, l'Église. In other words, en d'autres mots, revealing more and more of worship. Révéler de plus en plus à propos de l'adoration. More and more of the cross. De plus en plus à propos de la croix. Alléluia. Alléluia. Having said that now. Ayant dit cela maintenant. What is going to be the role of the Holy Spirit this year? Qu'est-ce que va être le rôle du Saint-Esprit cette année? If you read the book of Joel chapter 2. Si vous lisez le livre de Joël, chapitre 2, from verses 28 to 32, du verset 28 au verset 32, There is a conversation there. Il y a une conversation ici. That the Holy Spirit is having with the church. Que le Saint-Esprit a avec l'église. And he is defining these days. Et il est en train de définir ces jours. He is defining this dispensation. Il est en train de définir cette dispensation. And he said afterward. Et il dit plus tard. Verse 28, chapter 2. Le verset 28, chapitre 2. But if you understand, afterward was a coining for the messianic dispensation. Mais si vous comprenez, plus tard était une indication pour la dispensation messianique. That's why you see. C'est pourquoi vous voyez. That in the book of Acts. Que dans le livre des Actes. At Pentecost, when there was a great visitation. À Pentecôte, quand il y avait une très grande visitation. Then Peter invoked that clause again. Que Pierre a invoqué cette clause encore. He opened up that clause again and spoke about it. Il a ouvert encore cette clause et a parlé à propos de cela. And what does it say in a nutshell? Et ce qu'il est dit dans ce résumé, that days would come, que des jours vont venir, when the Lord would pour the Spirit of the Lord, que le Seigneur va déverser l'Esprit du Seigneur into the church. À l'Église. So as I begin discussing, alors que je commence à discuter, what the role of the Holy Spirit is going to be this year, à propos du rôle de ce que les saints L'Esprit va être cette année. You see that the Lord already put in place the mechanism, the structure. Vous voyez que le Seigneur met déjà le mécanisme de cette structure. To define the role of the Holy Spirit in the church. Pour définir le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. And he said, et il a dit, afterward, meaning in those days, plus tard, ce qui signifie dans ces jours, I will pour out my spirit. Je vais déverser mon esprit. But listen to this. Mais écoutez ceci. The Lord said, le Seigneur a dit, in those days, dans ces jours, I will pour out my spirit. Je veux déverser mon esprit on all men. Sur tout homme. And in my men, it means women and men. Et par homme, il signifie, il entend les hommes et les femmes. For which purpose? Dans quel but? He said, il a dit, in order to bring about dreams and visions. Dans le but d'amener des rêves et des visions. Dreams and visions. Des rêves et des visions. What does that signify? Qu'est-ce que ça signifie? What does that designate? Qu'est-ce que ça désigne? In the spiritual realm. Dans le domaine spirituel. Let me say this here. Laissez-moi dire ceci ici. When he says, quand il dit, in those days, en ces jours, in Spanish they say ramamiento. En espagnol, ils disent ramamiento. In those days, I'll pour out. En ces jours, je vais déverser. That tells you there was a shortage shortly before them. Ça vous dit qu'il y avait une pénurie juste avant ce temps. So you may understand what I'm going to say. Alors vous pouvez comprendre ce que je vais dire. Listen to this. Écoutez ceci. He says, il dit, I will then pour out. Je vais alors déverser. Meaning here I did not. Signifiant ici je ne l'ai pas fait. But what I'm leading to is this. Quelle direction est-ce que je prends? When he says, I will pour out my spirit. Quand il dit, je vais déverser mon esprit. He is talking about. Il parle à propos a dispensation that is coming, de la dispensation qui vient that will supersede the previous, qui va remplacer ce qui était avant. Based on the pouring out, la base de ce déversement if the pouring out of the Holy Spirit, est l'effusion du Saint-Esprit designates the openings of the portals of heaven into the church, désigne l'ouverture des portes du ciel pour l'Église. But that means they were closed here. Ce qui signifie qu'elles étaient fermées ici. The open heaven. Le ciel ouvert. open heaven dispensation. La dispensation du ciel ouvert. Bringing what? Apportant quoi? Bringing dreams and visions. Apportant des rêves et des visions. But I am more interested. Mais je suis plus intéressé into the function and the roles of the dreams and visions. À la fonction et au rôle des rêves et des visions. So we may know. Alors, nous pouvons savoir what the role of the Holy Spirit. Quel est le rôle du Saint-Esprit is going to be in this new year. Quel il va être dans cette nouvelle année. 2012. L'année 2012. He said. Il a dit. To give dreams and visions. Donner des rêves et des visions. But what do the dreams and visions bring? Mais qu'est-ce que les rêves et les visions apportent? When I came here, quand je suis venu ici, last year, before that on radio, l'année dernière, avant cela, à la radio, juste, and I said, I see the Lord visiting in a mighty way. Et j'ai dit, j'ai vu le Seigneur nous visiter d'une manière très grande. The visitation of the Lord. La visitation du Seigneur. Earlier, many months before this meeting took place. Même plus tôt, plusieurs mois avant que ce rassemblement prenne place. And then coming here. Et ensuite, venant ici. And then the visitation manifested here. Et ensuite, la visitation s'est manifestée ici. That tells you that when the Holy Spirit. Ça vous dit que quand le Saint-Esprit is going to be poured into the church. Va être déversé sur l'église, bringing dreams and visions. Apportant des rêves et des visions. Then also, it is a process of purification. Que c'est aussi un procédé de purification. So the Lord is saying in other words. Alors le Seigneur est en train de dire dans d'autres mots that this year we are in. Que cette année nous y sommes. He is going to endeavor to clean up the church. Il va tenter de purifier l'église. And I think that is a basic prerequisite. Et je pense que c'est la condition de base préalable for a visitation. Pour une visitation. That there has to be a vessel first. Qu'ils ont à être un récipient premièrement. A vessel of use, of honor, of noble purpose. Un récipient, un vase qui soit utile, qui soit un vase d'honneur. Un vase pour un but noble. Once there is a vessel, premièrement, il y a un récipient. Then he will pour more and more. Et il va remplir de plus en plus. But I want to come back to this purification. Mais je désire revenir à cette purification. That in this 2012, que dans cette année 2012, the Holy Spirit is going to purify the church. Le Saint-Esprit va purifier l'Église. Even as the nations are here. Même en tant que nation ici. Nations even gathered here. Même les nations qui sont rassemblées ici. I don't know about the others. Je ne sais pas à propos des autres. Maybe he's going to purify them all. Peut-être qu'il va les purifier aussi. But I mean those congregated here. Mais je pense ceux qui sont rassemblés ici. How? Comment? Because he says, parce qu'il dit, dreams and visions, des rêves et des visions. But listen to this. Mais écoutez ceci. How do dreams and visions purify the church? Comment est-ce que des rêves et des visions purifient l'église? Dreams and visions, rêves et visions, brought about by the Holy Spirit, apportés par le Saint-Esprit, will purify the church this year. Vont purifier l'église cette année. Because parce que it will remove deception from the church. Ça enlèvera les tromperies de l'église. It will remove lies from the church. Ça va enlever les mensonges dans l'église. Because you cannot come forth and say, oh, the Lord said, hey, the Lord said. Parce que vous ne pourrez pas venir dire, oui, le Seigneur a dit. Now they will also see visions and dreams. Maintenant, ils vont aussi avoir des visions et des rêves. And if you are coming to preach here, et si vous venez prêcher ici, and you are not clean, et que vous n'êtes pas propre, members of the church will see dreams. Les membres de l'église vont voir des rêves. And they will come up to the pastor. Et ils vont venir vers le pasteur. But pastor, I saw that man who is coming to preach tomorrow. Et ils vont dire, pasteur, j'ai vu cet homme qui va prêcher demain. I saw him handling snakes. Je l'ai vu qui tenait des serpents. Oh, I saw him with gumboots and mud. Je l'ai vu avec des bottes embourbées. That is how the Holy Spirit. C'est comment le Saint-Esprit purifies the church and will purify the church. Purifie l'église et purifiera l'église. When he visits your nation. Quand il visite vos nations. That means the Lord will open a portal into your home, to your nation, that you may be able to know the truth. Ça signifie que le Seigneur va ouvrir des portes dans vos nations, dans vos maisons, pour que vous puissiez être capable de connaître la vérité. So nobody can lie with false prophecies. Alors, personne ne peut mentir avec des fausses prophéties. False prophets will be cleaned out this year. Les faux prophètes vont être purifiés, vont être sortis cette année. From the bride of Christ. De l'épouse de Christ. From the body of Christ. Du corps de Christ. Precious people. Précieux peuple. I want to proceed on. Je désire procéder. If you read from the book of Ezekiel, chapter 36, verse 24 on. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 36 et les versets 24 et suivants. I'm going to read here. Je vais le lire ici. Ezekiel. Ezekiel 36. 36. This one I am not reading. I'll read the next. I just want to explain this. Celui-là, je ne le lis pas. Je vais lire le suivant et l'expliquer ceci. I'll read the next scriptures. Hold it for me. Et je vais lire l'écriture suivante. Listen, let me summarize the Ezekiel one. Écoutez, laissez-moi résumer la partie d'Ézéchiel. He describes the state of Israel. Il décrit l'état d'Israël. When Israel was facing desolation. Quand Israël était en train de faire face à la désolation. When indeed, actually, they were in captivity. Quand en réalité ils étaient en captivité. And he says, et il dit that he would come to them. Qu'il va venir à eux. After that dispensation of desolation. Après cette dispensation de désolation. He would come to them. Il va venir à eux. And when he came to them, et quand il est venu à eux, he said, il a dit, he would now sprinkle clean water over them. Il va maintenant asperger de l'eau pure sur eux. To cleanse them. Pour les purifier. And he moves on further. Et il se déplace plus loin. He mentioned things like, pour mentionner des choses comme the softening of their hearts, la tendresse du cœur, the removing of the hearts of rock. Il les déplace d'un cœur de pierre. So if you want to know what will happen this year, 2012. Alors, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans cette année 2012, you can see the foreshadowing of that in the book of Ezekiel. Vous pouvez voir la préfiguration de cela dans le livre d'Ézéchiel. Which means the Lord this year. Ce qui signifie le Seigneur cette année is going to soften the hearts of men. Va attendrir les cœurs des hommes. That they may be susceptible to the gospel. Pour qu'ils puissent être sensibles à l'évangile. That when the gospel pierces their hearts, que quand l'évangile perce leur cœur, they may be vulnerable. Ils peuvent être vulnérables. Let me explain that better. Laissez-moi expliquer ceci mieux. It will happen in two ways. Ça va arriver de deux manières. One of them is ironical. Une d'entre elles est ironique. The church. L'église. The Lord is going to replace the heart of stone from the church. Le Seigneur va remplacer le cœur de pierre de l'église. That means, ça signifie, he's going to bring forth a repentant heart in the body of Christ. Il va apporter un cœur repentant dans le corps de Christ. Only repentance. Seule la repentance can prepare a church. Peut préparer une église. Only repentance. Seule la repentance can prepare a nation. Peut préparer une nation. Only repentance. Seule la repentance can prepare the bride. Peut préparer l'épouse. The repentance is going to be laid down as the foundation of the church. Alors la repentance va être mise en place pour la fondation de l'Église. That is what the Holy Spirit is coming to do. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Listen, that's in the church. Écoutez-moi, c'est dans l'Église. That is the one I said is ironical, because over time, c'est celle dont j'ai dit elle est ironique. Parce que c'est une extension. The church has developed Petra's hearts, has developed hard hearts like stone. L'Église a développé des cœurs pétrifiés, des cœurs durs comme une pierre. To the extent, au point où, that the gospel of repentance, où l'évangile de la repentance has now become alien to the church. Est maintenant devenu étranger à l'Église. They even ask, why should we repent? Ils demandent même, pourquoi est-ce que je me repentirais? But if they knew the secrets of God, mais s'ils savaient les secrets de Dieu, these days they can see. Ces jours, ils peuvent voir. Look at the revival of repentance, first of all, here. Regardez premièrement le réveil de repentance ici. You don't need to be a brain surgeon. Vous n'avez pas besoin d'être un chirurgien du cerveau. A neurosurgeon. Un chirurgien des neurones. You don't need to be a rocket scientist. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique des fusées. To look at this. Pour regarder à ceci. To understand. Pour comprendre. That this thing called repentance. Que ces choses appelées repentance. Is very potent. Sont vraiment importantes. It does not even matter whether you are a politician. Ça n'a même pas d'importance que vous soyez un politicien. Politicians like numbers. Les politiciens aiment les nombres. Because numbers are votes. Parce que les nombres, c'est du vote. So whether you are a politician, mais que vous soyez un politicien, and you see such a huge gathering of the populace, et que vous voyez une telle importance de rassemblement du peuple, together 42 tribes plus many nations plus, ensemble plus de 42 tribus et beaucoup de nations en plus. If you are wise as a politician, si vous êtes sage en tant que politicien, you will say, vous allez dire, in 2012, en 2012, I am going to run on the platform of repentance. Je vais courir sur la plateforme de la repentance. Yes, and in so doing, oui, et il fait ceci, comme ça. The Lord will raise up a God-fearing nation. Le Seigneur va élever une nation qui craint le Seigneur. Alléluia. Alléluia. But I'm talking about the church. Quand je parle à propos de l'Église, he is going to soften the heart. Quand Dieu parle à propos de l'Église, il va attendrir les cœurs in the church. Dans l'Église. By bringing the goodies of repentance to the church. En apportant les bonnes choses de la repentance à l'Église. So they will submit to repentance. Alors ils vont se soumettre à la repentance. They will say, ils diront, if repentance can open the portals of heaven, si la repentance peut ouvrir le portail du ciel, then we accept it. Alors on l'accepte. Precious people, précieux peuple, let's move on. Allons plus loin. Also to the non-Christians. Aussi pour les non-chrétiens. Today, a Muslim came before I led people to the Lord. Aujourd'hui, un musulman est venu avant que je conduise les gens au Seigneur. And say, please, I want him to lead me to that Jesus he's talking about. Et il a dit, je désire qu'il me conduise à ce Jésus dont il parle. Here. Ici. And then I said, et ensuite j'ai dit, let's all receive the Lord. Recevons tous le Seigneur. Why? Pourquoi? Because when the Holy Spirit comes, parce que quand le Saint-Esprit vient, he brings the fruit of repentance to the church, il apporte le fruit de la repentance à l'Église, and the fruit of repentance in the church, et le fruit de la repentance dans l'Église, is beyond reproach, est sans reproche, is undeniable, est indéniable, unmistakable, indubitable, incontrovertible, sans controverse, anybody can see, que chacun, que tout le monde peut voir, et ils diront, if HIV AIDS can be healed here, si le sida HIV peut être guéri ici, then this God is working. Alors ce Dieu est en train de travailler. Then this God is good. Ce Dieu est bon. Then this God is real. Ce Dieu est réel. Then this God is living. Ce Dieu est vivant. Then this God I want. C'est ce Dieu que je désire. They will say, ils diront, for me, I don't care. Pour moi, je ne m'en fais pas. I'm only looking for my creator. Je regarde seulement à mon créateur. So the Holy Spirit will evangelize Christ to the heathen. Alors, le Saint-Esprit va évangéliser Christ aux païens. Listen to me well. Écoutez-moi bien. As far as Kenya is concerned, aussi longtemps que le Kenya est concerné, the Lord is saying, le Seigneur dit, he is going to open the portals of heaven wider. Il va ouvrir le portail du ciel encore plus large. How about you? Qu'en est-il de vous? If you will accept this, take this, understand this. Si vous voulez accepter ceci, si vous voulez comprendre ceci, comprehend this, synthesize this, digest this, take this. Si vous voulez comprendre ceci, synthétiser ceci, digérer ceci, absorber ceci, inculcate this into your systems. Inculquez ceci dans vos systèmes. Even you, the Lord will open portals in your homes. Même pour vous, le Seigneur va ouvrir le portail de vos maisons. Anyway, this is the dispensation of open heavens. Qu'importe, c'est la dispensation du ciel ouvert. Let us move on. Allons plus loin. I want to read now from the Bible. Je vais lire maintenant de la Bible. To unveil unto you, pour vous révéler, more and more, de plus en plus, of the role of the Holy Spirit this year, à propos du rôle du Saint-Esprit cette année. The book of Ezekiel 47, le livre d'Ézéchiel 47, Ezekiel 47, Ézéchiel 47, alléluia, alléluia, Ezekiel 47, il dit, Ézéchiel 47, il dit, verses 1 to 6 I read. Je lis les versets 1 à 6. The man brought me back to the entrance of the temple. L'homme m'a conduit à l'entrée du temple. And I saw water coming out from under the threshold of the temple. Et j'ai vu l'eau venir sous le seuil de la porte du temple. Towards the east. Venant de l'est. For the temple faced east. Parce que le temple fait face à l'est. The water was coming down from under the south side of the temple. L'eau descendait sous le côté droit du temple au sud de l'autel. South of the altar. He then brought me out through the north gate. Et il me conduisit par le chemin de la porte du nord. And led me around the outside to the outer gate facing east. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte est. And the water was flowing from the south side. Et l'eau coulait du côté sud. Those of you who know this gate. Ceux d'entre vous qui connaissent cette porte. I have preached a bit about this gate. Je vais prêcher un peu à propos de cette porte. The eastern gate of Jerusalem. La porte est de Jérusalem. The golden gate. La porte d'or. And you hear how the Bible describes this gate. Et vous allez entendre comment la Bible décrit cette porte. Because that gate will only open when the Messiah comes. Parce que cette porte va s'ouvrir seulement quand le Messie vient. That gate is a true testament that the Bible is the living book of God. Cette porte, c'est le vrai témoignage, le véritable témoignage que la Bible est le livre vivant de Dieu. Because it was decreed shut. Parce qu'elle a été décrétée fermée. And indeed it was shut. Et en vérité, c'était fermé. Even during the 1973 war, même pendant la guerre de 1973, when there was a great temptation by the IDF Golani Brigade, the commando squad of the Israeli army. Quand il y avait une grande tentation des forces de défense israéliennes, la brigade du Golan, escouade du commando de l'armée israélienne, it was the right way to storm and to take the enemy out. C'était le meilleur chemin de prendre d'assaut et sortir l'ennemi. But they were told, mais on leur a dit, you cannot open that gate. Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte. Only the Messiah opens that gate. Seul le Messie ouvre cette porte. And they obeyed. They took a more risky route. Et ils ont obéi. Ils ont pris un risque plus grand. And then the Lord helped them. Et alors, le Seigneur les a aidés. But let's see what happens in verse 3. Alors, regardez ce qui est arrivé au verset 3. As the man went eastward with a measuring line in his hand, he measured off 1,000 cubits and led me through water that was ankle deep. Lorsque l'homme s'avança vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1,000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. He measured off 1,000 cubits and led me through water that was knee deep. Il mesura encore 1,000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. He measured off 1,000 cubits. Il mesura encore 1,000 coudées. And led me through water that was up to the waist. Et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. He measured off 1,000 cubits. Il mesura encore 1,000 coudées. But now it was a river that I could not cross. Et maintenant, c'était une rivière que je ne pouvais pas traverser. Because the water had risen and was deep enough to swim in. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. A river that no one could cross. Une rivière que personne ne pouvait traverser. He asked me, il m'a demandé, son of man, fils de l'homme, do you see this? Est-ce que tu vois cela? Let me explain to you this. Laissez-moi vous expliquer ça. Regarding the role of the Holy Spirit. Concernant le rôle du Saint-Esprit. This year, cette année, it would have been easy for me. Ça aurait été facile pour moi. Easier for me. Plus facile pour moi. To be like my predecessors in the Bible. D'être comme mes prédécesseurs dans la Bible. Who just walked into a place. Qui juste marchent à une place. And said, et qui ont dit, oh, I see the Lord coming. Oh, j'ai vu le Seigneur venir. Prepare the way of the Lord. Préparez le chemin du Seigneur. And it shall be known. Et ça va être su. That the mouth of the Lord, he has spoken. Que la bouche du Seigneur a parlé. And then walk away. Et ensuite m'en aller. I could have done that. Je pourrais faire ceci. But this is a privilege. Mais c'est un privilège. That he has allowed me to teach here. Que il me permette de vous enseigner ici. I guess because of the criticalness of the dispensation. Juste à cause de cette dispensation tellement critique. The criticalness of this dispensation. Cette dispensation qui est tellement critique. But listen to what the Holy Spirit is talking about in Ezekiel 47. Alors écoutez ce que le Saint-Esprit est en train de parler dans Ézéchiel 47. Who is this that is leading Ezekiel into this river? Qui est celui qui conduit Ézéchiel dans cette rivière? He measured off 1,000 cubits. Il mesure 1,000 coudées. And then led him to water. Et ensuite le conduit dans l'eau. That was ankle deep. Qui arrivait jusqu'aux chevilles. Another 1,000 cubits. Encore 1,000 coudées. Then it was knee deep. Et encore c'était profond jusqu'aux genoux. Another 1,000 cubits. Encore 1,000 coudées. The waist. Et voilà. Jusqu'au rein, jusqu'à la taille. 1,000 cubits. 1,000 coudées. A river. Une rivière. That nobody could cross. Que personne ne peut traverser. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The Lord is describing. Le Seigneur est en train de décrire. The life-giving spirit of Jehovah. La vie donnée par l'esprit de Jéhovah. The spirit of the Lord. L'esprit du Seigneur. That flows from behind the throne room of God. Qui coule de derrière la chambre du trône du Seigneur. And he's describing the propensity, the capacity. Et il est en train de décrire la propension, la capacité, the capacity of the church, la capacité de l'église, to receive from on high, de recevoir d'en haut. Let me help you here. Laissez-moi vous aider ici. When he began, quand il a commencé, shallow, deeper and deeper and deeper. Quand il a commencé, peu profond et toujours plus profond. And so how does that relate to this year? Alors, en quoi est-ce que c'est en relation avec cette année? To the role of the Holy Spirit this year. À propos du rôle du Saint-Esprit en cette année. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The Lord is saying, le Seigneur dit that this year, que cette année, for the churches, pour les églises, for the body, pour le corps, that will obey the instructive of God, qui acceptera d'obéir aux instructions de Dieu, and the instruction of the Lord right now in the church, et les instructions du Seigneur juste maintenant dans l'église, is none other than repent and prepare the way for the coming of the Messiah. N'est rien d'autre que repentez-vous et préparez le chemin pour la venue du Messie. But the church that will do that, mais l'église qui va faire ceci, the Lord is saying, le Seigneur dit, he will launch them into the deep. Il va la conduire dans la profondeur. Let me explain to you better. Laissez-moi vous expliquer mieux. When you drive from Haifa, quand vous conduisez de Haïfa, and you go through Tel Aviv, à Tel Aviv, and you're driving to Beersheba, et vous allez à Beersheba, you'll see a change in vegetation. Vous allez voir un changement dans la végétation. From where it is greener in the north, de là c'est vert dans le nord, in Haifa, for example, à Jaffa par exemple, as you go towards the Negev desert, alors que vous allez à travers le désert du Negev, then you now encounter the desert gradually, a harsh desert. Et maintenant, vous rencontrez graduellement le désert, l'âpre désert. A harsh desert. L'âpre désert. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. You are also able to notice the change in vegetation. Vous êtes aussi capable de voir le changement dans la végétation. The more you move south, plus vous allez au sud, from the wet north, du nord humide, towards the dry south, à travers le sud qui est sec, the Negev desert, le désert du Negev, then you'll find at one point, alors vous allez trouver à un point, you reach a desert where only the olive tree can grow. Vous allez à travers le désert et vous voyez que un endroit où seul les oliviers peuvent croître. Dry, but only the olive tree can grow now. C'est sec, mais seuls les oliviers peuvent croître maintenant. Why? Pourquoi? If you go to the Mount of Olives, si vous allez au mont des oliviers, the rock, it is rocky, rock stone. C'est un roc, c'est très plein de pierres. When you check it, quand vous regardez ça, you see the olive tree is growing. Vous voyez que les oliviers y croissent. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The olive tree, les oliviers, takes a long time to establish, prennent beaucoup de temps pour s'enraciner. The olive fruit, les olives, takes a long time to ripen, prennent beaucoup de temps pour mûrir. The olive fruit that is ripe, les olives qui sont mûres, takes a long time to exude the oil. You have to crush and crush and crush and crush. Prennent beaucoup de temps pour donner leur huile. Vous devez les presser et les presser et les presser. That speaks of the resilience of the olive plant. Ça parle à propos de la résilience. That's why in the desert they grow. C'est pourquoi ils croissent dans le désert. On the rock they are growing. Ils croissent sur le rocher. What is the capability they have for growing? Quelle est leur capacité de croître? They are able to launch their roots deeper. Ils sont capables d'amener leurs racines très profondément. And if the olive fruit, the olive oil. Et si le fruit de l'olivier, l'huile de l'olivier, is the biblical symbolism of the flow of the anointing of the Holy Spirit. Est le symbole biblique de l'effusion du flux de l'onction du Saint-Esprit. Then the Lord is saying in this scripture. Alors le Seigneur dit dans cette écriture, from ankle deep, des chevilles to the knee deep, jusqu'aux genoux, to the waist, jusqu'à la taille, to a river, jusqu'à une rivière, saying, il dit that the Holy Spirit of God, que le Saint-Esprit de Dieu is able to launch the church, est capable d'enraciner l'église, to the extent, jusqu'au point où, that the church, où l'église can now withstand, peut maintenant résister, the wilderness of repentance, peut maintenant faire face au désert de la repentance, the wilderness of repentance, le désert de la repentance, we have entered in as the body of Christ. Nous sommes entrés en tant que corps de Christ. Let me continue here. Laissez-moi continuer ici. What do I mean by wilderness of repentance? Qu'est-ce que je pense par désert de la repentance? The days are evil. Les jours sont mauvais. The time is short. Le temps est court. That means, ça signifie, these are the days, ce sont les jours, when if the church, où si l'église, is not well rounded, well grounded, well embedded, well launched, n'est pas bien entourée, n'est pas bien enracinée, she can be swept away by the darkness. Elle peut être balayée par les ténèbres, the forces of darkness, les forces de ténèbres of this dark world, de ce monde de ténèbres. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. Very carefully here. Très attentivement ici. Again. Encore. You can see in Ezekiel 47. Vous pouvez voir dans Ézéchiel 47. He says, il dit, I will pour into the church, je vais déverser dans l'église, the life of God, la vie de Dieu. That's powerful. C'est puissant. I will pour into the church, je vais déverser dans l'église, the life of God, la vie de Dieu. But if you look carefully, que si vous regardez attentivement, when the Lord was speaking to Israel, quand le Seigneur était en train de parler à Israël, about renewing her life, à propos de renouveler leur vie, in Ezekiel 47, dans Ézéchiel 37, in the valley of dry bones, dans la vallée des ossements, you could see that that was the symbolism of Israel in captivity. Vous pouvez voir que c'est le symbole de la captivité d'Israël. When Israel had no visitation, quand Israël n'avait pas de visitation, when there was desolation, et qu'il y avait de la désolation, there was no hope, il n'y avait pas d'espoir, no worship, pas d'adoration. And then you see him promising them that he would bring back and give them life. Et vous voyez qu'il est en train de leur promettre qu'il veut les ramener et leur donner la vie. And he sent Ezekiel to prophesy, et il a envoyé Ézéchiel pour prophétiser, to the breath, au souffle, to the four winds of the earth, aux quatre vents de la terre. He went to prophesy to the breath. Il est venu pour prophétiser au souffle. That is the Holy Spirit. Ça, c'est le Saint-Esprit. So you could see, even in Israel, alors vous pouvez voir que même en Israël, the symbolism of Israel here, le symbole d'Israël ici, that when they were faced with lifelessness, alors qu'ils étaient en train de faire face à un manque de vie, desolation, à la désolation, exile, à l'exil, captivity, à la captivité, then the Spirit of the Lord, alors l'Esprit du Seigneur, became the resuscitating force, devient la force qui les réanime. What about the church today? Alors qu'en est-il de l'église aujourd'hui? When I look at the church in the United States of America, quand je regarde à l'église des États-Unis d'Amérique, I see a church, je vois une église whose bones are too dry, dont les os sont trop sec. And the hope is gone. Et l'espoir s'en est allé. I see a church. Je vois une église that is desolate. Qui est désolée. I see a church. Je vois une église that now is involved in malpractice. Qui maintenant est impliquée dans de mauvaises pratiques. Marketplace. Une place de marché. Selling things. Vendant des choses. False prophets. Avec des faux prophètes. Lying to them. Leur montant. In Europe the same. Et c'est la même chose en Europe. I see homosexuals in the US anointed. Et j'ai vu des homosexuels aux États-Unis qui sont être oint. I see homosexuals in Europe being anointed to be pastors. Et j'ai vu des homosexuels en Europe être oint pour être pasteurs. I see very friendly churches. J'ai vu des églises amies des homosexuels. I see a dry bone. J'ai vu un os sec. The dry bones in Europe. Les os secs d'Europe. The dry bones I see in the US. Les os secs que j'ai vus aux États-Unis. I see dry bones in Australia. J'ai vu des os secs en Australie. And in the nations of Africa. Et dans les nations d'Afrique. The Lord is saying, alors le Seigneur dit, at the time when the tent is destroyed, au temps où le temple est détruit, as it was with Israel, comme ça l'était du temps d'Israël, as he promised to renew the breath, to bring back life, il a promis de renouveler ce souffle, d'amener la vie, to resuscitate the nation, de ressusciter les nations, the army of God, l'armée de Dieu. So will it be with the church this year. Alors il va être avec l'église cette année. The Lord is going to remember the dead church. Le Seigneur va se souvenir de l'église morte and renew the life of God into the church. Et renouveler la vie de Dieu dans l'église. Only the life-giving spirit of the Lord. Seule la vie du Saint-Esprit du Seigneur peut amener la vie de Dieu dans l'église. What does the life of God do in the church? Ben, qu'est-ce que la vie de Dieu fait dans l'église? We know that the life of God is immortal. Nous savons que la vie de Dieu est immortelle. The life of God is imperishable. La vie de Dieu est impérissable. The life of God is incorruptible. La vie de Dieu est incorruptible. Then that means ça signifie that this year, que cette année, for those who will be blessed enough, pour ceux qui sont assez bénis, to see the open portals, pour voir le portail ouvert, when the life of God flows into the church, quand la vie de Dieu se déverse dans l'église, the Spirit of the Lord, l'Esprit du Seigneur, will bring, il va amener immortality in the church. L'immortalité dans l'église. He will bring immortality into the church. Il va amener l'immortalité dans l'église. Imperishability in the church. L'impérissabilité dans l'église. Incorruptibility in the church. L'incorruptibilité dans l'église. He's going to remove decay. Il va enlever la décadence dans l'église. In other words, en d'autres mots, what does it mean to remove decay? Qu'est-ce que ça signifie, enlever la décadence? That means he's going to change the value systems of the church. Ça signifie, il va commencer à changer le système de valeurs dans l'église. But the church may now focus on the immortal. C'est que l'église va maintenant se concentrer sur ce qui est immortel. On the incorruptible. Sur ce qui est incorruptible. On the imperishable. Sur ce qui est impérissable. In other words, en d'autres mots, that the church may now focus on eternity. Que l'église maintenant se concentre sur l'éternité. This year, 2012. Cette année, 2012. For those who will be blessed enough, pour ceux qui sont assez bénis, to be visited, pour être visités, before the Messiah comes, avant que le Messie vienne. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. In other words, dans d'autres mots, the Holy Spirit flowing in the church, le Saint-Esprit se déversant dans l'église, by changing the value system, en changeant le système des valeurs, this year, cette année, from corruptible to incorruptible, de ce qui est corruptible en incorruptibilité, from perishable to imperishable, du périssable à l'impérissable, from mortal to immortal, du mortel à l'immortel. That means, ça signifie, he is going to bring the wisdom of God into the church. Il va amener la sagesse de Dieu dans l'église. But what is the wisdom of God in the church? Mais qu'est-ce que c'est la sagesse de Dieu dans l'église? In the book of Job 28:28. Dans le livre de Job 28:28, he says, behold. Il dit, voici. The fear of the Lord. C'est la crainte du Seigneur. That is wisdom. Qui est la sagesse. So in other words, dit en d'autres mots, the children of God, les enfants de Dieu, the sheep of Christ, le troupeau de Christ, this year, cette année, you are going to take more and more, vous allez prendre de plus en plus, incorporate more and more, être de plus en plus incorporé, of the fear of the Lord, dans la crainte du Seigneur, into your light, dans votre vie. The radiance of your life, le rayonnement de votre vie, is going to be the fear of the Lord, va être la crainte du Seigneur. Let us move on. Allons plus loin. How does that happen? Comment est-ce que ça peut arriver? The Bible says, la Bible dit, that any focus into eternity, toute concentration sur l'éternité, is equal, est égale, to focus on righteousness, à se concentrer sur la justice. Because only righteousness, parce que seule la droiture, la justice, lasts forever, reste pour toujours. Even in Isaiah chapter 9, même dans Ésaïe chapitre 9, verses 6 to verse 7, les versets 6 à 7, when he was crowning, quand il couronnait, and beautifying the reign of the Messiah, embellissant le règne du Messie, il dit, he says that he will bring a reign, qu'il va amener un règne, a glorious reign on the throne of David, le règne glorieux du trône de David, by establishing justice and righteousness, en établissant la justice et la droiture, and upholding it with the zeal of God, et le maintenant avec le zèle de Dieu. Which means this is the year of righteousness. Ce qui signifie que c'est l'année de la justice. If you want, you can pursue righteousness. If you don't want, you can say, I don't want that righteousness. Si vous le désirez, vous pouvez suivre la justice. Si vous ne désirez pas, vous pouvez dire, je ne désire pas cette justice. But if you are wise, mais si vous êtes sage, wisdom of God, la sagesse de Dieu, you will pursue righteousness this year. Vous pouvez suivre la justice cette année. Because this year, parce que cette année, the church will have to focus on eternity. L'église doit se concentrer sur l'éternité. Even Kenya, même au Kenya, look at the nations gathered here. Regardez aux nations qui sont rassemblées ici. When they saw the visitation here today, quand ils ont vu la visitation ici aujourd'hui, and they were astonished, et ils étaient étonnés, and they said, et ils ont dit, does it mean this has been happening here? Ça signifie que si ça s'est passé ici, and yet we are not aware out there, et maintenant nous ne sommes pas avertis ailleurs, even Kenya, même le Kenya, you have taken it for granted, vous y mettez de l'importance, but this is the year, mais c'est l'année, to uphold righteousness now, du déversement de la justice maintenant, because otherwise, parce que sans quoi, familiarity, la familiarité, will contempt it. You see that? Vous voyez cela? This year, even Kenya, cette année, même le Kenya, you have to hearken unto the righteousness of the Lord. Vous avez à prêter l'oreille à la justice du Seigneur. I want to read the book of Isaiah. Je désire lire le livre d'Ésaïe. And finish with one last function of the Holy Spirit. Et finir avec une dernière fonction du Saint-Esprit. I want to begin with the book of Isaiah. Je désire commencer avec le livre d'Ésaïe. I have taught on 26. J'ai enseigné sur 26. On the rapture of the dead. Sur l'enlèvement des morts. I want to get to Isaiah 32. Je vais aller à Ésaïe 32. But for now, I want to begin from 26. Mais de maintenant, je veux commencer 26. Isaiah 26. Ésaïe 26. I'm reading from verse 19. Je lis du verset 19. I'll just summarize. Je vais juste résumer. Because this have told. Parce que ceci parle. In the vision of the rapture of the dead. De la vision de l'enlèvement. Isaiah 26 verse 19 I read. Dans Ésaïe 26 verset 19 je lis. But your dead will live. Que tes morts vivent. Their bodies will rise. Que leur corps se relève. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Let me stop there first. Laissez-moi m'arrêter là, premièrement. He describes here. Il décrit ici a very important phenomenon of the Holy Spirit. Un phénomène très important du Saint-Esprit. He describes here what Jesus meant. Il décrit ici ce que Jésus pense. When he said, ce que Jésus pensait quand il a dit I have overcome the world. J'ai vaincu le monde. Then he said, et ensuite il a dit the same Holy Spirit que le même Saint-Esprit who helped him to overcome. Qui l'aide à vaincre is available to you, the church. Et à disposition pour vous, l'Église. That you too may overcome. Pour que vous puissiez vous aussi vaincre. But he's saying, mais il est en train de dire that when the time of the coming of the Messiah draws nigh, que quand le temps de la venue du Messie s'approche, there will be a visitation of the Holy Spirit. Il va y avoir une visitation du Saint-Esprit. And he calls it, et il appelle ceci the morning dew. La rosée du matin. We know that the morning dew is fresh. Nous savons que la rosée du matin est fraîche. Fresh means cold and drinkable. Fraîche signifie froide et buvable. Nice, clear. Et très clair. If you look at the leaves of skumawiki, si vous regardez aux feuilles de chou in the morning, le matin, and you see a lot of dew on them, et que vous voyez beaucoup de rosée dessus, and let it be that you have been fasting and you are on your seventh day, dry fast, et que vous êtes en train de jeûner pour le septième jour d'un jeûne sec, and you look at the dew, you feel like, et que vous regardez à la rosée, vous vous sentez comme drink it, right? D'aller boire, n'est-ce pas? But when you wait until 10 a.m. Mais quand vous attendez jusqu'à 10 heures du matin, dew is not fresh again. Cette rosée n'est plus fraîche. You'll find some of it has evaporated. Vous allez en trouver qui est évaporé. And you'll find that the little remaining is kind of muddy, some dust is on the water. Et alors vous allez trouver que le peu qui reste a reçu un peu de poussière sur l'eau. So he describes the visitation of this hour. Alors il décrit la visitation de cette heure as the morning dew, comme la rosée du matin, that comes to resurrect the dead church, qui arrive pour ressusciter l'église morte. The physical resurrection, la résurrection physique, and the spiritual transformation, et la transformation spirituelle of the holy Christians who have died and buried, des saints chrétiens qui sont morts et qui ont été enterrés. In other words, he calls them asleep. En d'autres mots, il les appelle endormis. That is part of what he's talking about here. C'est une partie de ce dont il est en train de parler ici. But another part, mais une autre partie, he is also talking about the dead bones. Il est aussi en train de parler des os morts. The dry bones in today's church. Les ossements morts de l'église d'aujourd'hui. The bones that have no hope. Les ossements desséchés de l'église d'aujourd'hui. And all the hope is gone. Et tout l'espoir est parti. And desolation is dropping in the church. Et la désolation est là dans l'église. He says when the morning dew comes. Il dit quand la rosée du matin vient. And it normally comes around 10 p.m. 11 p.m. Et ça vient normalement entre 10 et 11 heures du matin. Before the midnight hour. Avant l'heure de minuit. That the morning dew, que la rosée du matin, will refresh, va rafraîchir, will prepare the church, va préparer l'église, prepare you, préparé that when the midnight comes, afin que quand l'heure de minuit arrive, you may be found alive, awake. Vous puissiez être trouvé, réveillé, vivant et réveillé. But what amazes me here, mais ce qui m'étonne ici, he talks about shout for joy. Il parle à propos de réjouis-toi de joie. Because of the morning dew. À cause de la rosée du matin. A restored church. Une église restaurée. A healed church. Une église guérie. Is a restored church. Est une église restaurée. Today here. Aujourd'hui. We saw how the Lord is healing the church in Kenya. Nous avons vu comment le Seigneur guérit l'église au Kenya. And putting a testimony in her tongue. Et met un témoignage sur sa langue. So when she goes out, alors quand elle sort, even before I left, même avant que je quitte, a Muslim was here, un musulman était là. And he said, tell the man of God, alors il a dit, dites à l'homme de Dieu, I want to receive what Jesus is preaching. Je désire recevoir ce Jésus qu'il prêche. A restored church, une église restaurée, in which the morning dew is throbbing, dans laquelle la rosée du matin est vibrante. Is an empowered church. Et c'est une église pleine de pouvoir. Is a church with authority. C'est une église qui a de l'autorité. She has a testimony. Elle a un témoignage. She can say, come to my Jesus. Elle peut dire, viens à mon Jésus. He will heal you also. Il veut aussi te guérir. She uses the word also. Elle utilise le mot aussi. Also. Aussi. Come to my Jesus. Viens à mon Jésus. He will give you peace also. Il veut te donner la paix aussi. Alléluia. Alléluia. The morning dew. La rosée du matin. And then when you read on, et ensuite, quand vous lisez plus loin, he says, il dit that because of that, que à cause de cela, the earth will give birth to her dead. La terre va donner naissance à ses morts. And he says, because of this, et il dit, à cause de cela, now, maintenant, the earth cannot conceal her slain any longer. La terre ne couvrira plus les meurtres. Or the blood ever stained on her. Et la terre mettra le sang à nu. That means the latter anointing of this hour. Ça signifie que la dernière onction de cette heure is indeed for the Messiah. Est en réalité pour le Messie. How is it for the Messiah? Pourquoi est-ce que c'est pour le Messie? The latter anointing you see visiting Kenya here, la dernière onction que vous voyez visiter le Kenya ici, is indeed intended, est en réalité destinée to expose sin, à exposer le péché. That the earth may never conceal her slain, or any blood ever dropped on her. Et la terre ne couvrira plus les meurtres et elle mettra le sang à nu. When the latter anointing comes, quand la dernière onction vient, it will just expose things. Ça va juste exposer le péché. You say, Allah, look, someone was murdered here. This is blood. Quelqu'un a été assassiné ici. Il y a du sang. I see blood here. Je vois du sang ici. Allah, someone was buried here. Quelqu'un a été enseveli ici. So the latter anointing will expose sin. Alors, la dernière onction va exposer le péché. First of all, in the church. Premièrement, dans l'église. And once sin has been exposed, et une fois que le péché a été exposé, then the church, the body of Christ, ensuite l'église, le corps de Christ, this year, cette année, will be compelled to bring forth a repentance revival, va être contrainte d'amener le réveil de repentance. That's why I said, c'est pourquoi j'ai dit that the latter anointing, que la dernière onction, is strictly for the Messiah, est strictement pour le Messie. Not for Hollywood show. Ça n'est pas pour un théâtre d'Hollywood. It is not for Nollywood show. Ça n'est pas pour une démonstration de Nollywood. It is not for Bollywood show. Ça n'est pas un théâtre de Bollywood. Bollywood. Bollywood. Nollywood. Nollywood. Hollywood. Hollywood. It is for the Messiah. C'est pour le Messie. Why? Pourquoi? Because by bringing about a massive repentance revival. Parce que en apportant une repentance massive du réveil, then the Holy Spirit will prepare a glorious radiant bride for the Messiah. Alors le Saint-Esprit va préparer une rayonnante, sainte épouse pour le Messie. Precious people. Précieux peuple. I want to finish with Isaiah 32. Je désire finir avec Ésaïe 32. Isaiah 32. Ésaïe 32. Verses 15 to 20. Les versets 15 à 20. We will read only one or two verses. Nous lirons seulement un ou deux versets. Isaiah 32 says this. Ésaïe 32, il dit ceci. Verse 15. Le verset 15. He says. Il dit. Till the Spirit is poured upon us from on high. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. And the desert becomes a fertile field. Et que le désert se change en verger. And the fertile field seems like a forest. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Right there. Juste là. You can already see the precursor, the beginning of that conversation. Vous pouvez déjà voir le commencement de cette conversation. This conversation is generated from a desolation. Cette conversation est générée d'une désolation. And he says, but when the Spirit is poured, et il dit, mais quand le Saint-Esprit est déversé, in that desolation, that wilderness, dans cette désolation, dans ce désert, it will bring forth growth, il va amener une croissance, growth in the house, croissance dans la maison, that you may grow in the knowledge of Christ, pour que vous puissiez croître dans la connaissance de Christ. You may grow in the knowledge of the word of God. Pour que vous puissiez croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Because only the word of God that the Holy Spirit brings and reveals to you. Parce que seule la parole de Dieu et le Saint-Esprit apporte et vous révèle. Revealing the written word. Vous révèle la parole écrite. And revealing the revealed word. Et vous révèle la parole révélée. Can root you. Qui puisse vous enraciner. Entrench you. Vous fixer fermement. And embed you onto the deep. Vous mettre plus profond. So no wind can shake you. Pour que aucun vent ne puisse vous secouer. So he's talking about the growth that the Spirit of the Lord brings into the house. Alors, il est en train de parler de la croissance que l'Esprit du Seigneur apporte dans la maison. But what amazes me, mais ce qui m'étonne, that from desolation, que de la désolation comes growth, vienne la croissance. And then forests. Croître en une forêt. That means he's talking about maturity. Ça signifie qu'il parle à propos de maturité. Only the Holy Spirit. Seul le Saint-Esprit can mature the bride of Christ. Peut amener à maturité l'épouse de Christ. That she may attain the fullness of Telos. Qu'elle puisse atteindre la plénitude de Telos. The fullness of height of Christ. La plénitude de la hauteur de Christ. But I like what he says further on. Mais j'aime quand il dit plus loin. He talks about two things. Il parle à propos de deux choses. The judgment versus this growth. Le jugement contre cette croissance. He says, il dit, justice will dwell in the desert. La droiture habitera dans le désert. And righteousness live in the fertile field. Et la justice aura sa demeure dans le verger. So when you read Jeremiah chapter 10 verse 20. Alors quand vous lisez Jérémie chapitre 10 verset 20. And you see the desolate house. Et que vous voyez la maison désolée. That my tent is destroyed. Que ma tente est détruite. And my sons are gone away from me. Et que mes fils se sont détournés de moi. And none of them is left to pitch my tent. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente. Or to raise for me a dwelling place. Ou qui construise pour moi un endroit où habiter. But you see that scripture manifesting in the church today. Mais vous voyez, cette écriture s'est manifestée dans l'église aujourd'hui. And he says, et il dit, that judgment will be in the wilderness. Que le jugement va être dans le désert. But where he has converted by the Spirit of the Lord into fertile ground. mais où il a converti le désert par l'Esprit du Seigneur en un verger. He says, righteousness will abide. Il dit, la justice va abonder. So you begin to understand the role of the Holy Spirit this year. Alors vous commencez à comprendre le rôle du Saint-Esprit cette année. Is to bring peace. C'est pour apporter la paix. Eternal peace. La paix éternelle. By drawing the church to righteousness. En conduisant l'Église à la justice. Let me read it so you understand it better. Laissez-moi le lire et comme ça vous allez comprendre mieux. And he says, et il dit, the fruit of righteousness will be peace. Le fruit de la justice va être la paix. And he says, the effect of righteousness will be quietness and confidence forever. Il dit, les effets de la justice seront le repos et la sécurité pour toujours. A church that is visited by the Holy Spirit. L'église qui est visitée par le Saint-Esprit is a church that lives in the fear of the Lord. Est l'église qui vit dans la crainte du Seigneur. They are moving closer to this, let me announce to you. Plus près de ceci, laissez-moi vous l'annoncer. They have become a sensitive church. Ils deviennent une église sensible. Every time the Lord speaks to me and I announce on radio, chaque fois que le Seigneur me parle et que je l'annonce à la radio, I always see a sensitive church. Je vois toujours une église sensible. I see wailing across the villages, the cities, the towns. Je vois pleurer à travers les cités et les villes. Some people plunge themselves right into a dry fast. Quelques personnes se jettent dans un jeûne sec. That is a sensitive church. Ça, c'est une église sensible. And he says that church. Et il dit, cette église hearkens to the fear of the Lord. Prête l'oreille à la crainte du Seigneur. And when she's hearkened to the fear of the Lord, et quand elle est attentive à la crainte du Seigneur, peace and quietness and confidence forever. Paix et sécurité et confiance pour toujours. Meaning, signifiant, she's repentant and reconciled with God. Elle s'est repentie et elle est réconciliée avec Dieu. And once reconciled with God, et parce que réconciliée avec Dieu, she can now live in quietness and peace forever and ever. Dans la sécurité et la paix pour toujours. Precious people, précieux peuple, this year, cette année, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, is coming to reconcile the bride of Christ, vient pour réconcilier l'épouse de Christ, with the groom, avec l'époux, with the Messiah, avec le Messie. This year, cette année, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, is coming with a yardstick, vient avec le critère, to measure 1,000 cubits, pour mesurer 1,000 coudées, and move the body of Christ, et mouvoir le corps de Christ, deeper and deeper into the life of God, toujours plus profondément dans la vie de Dieu. Precious people, précieux peuple, thank you, merci, thank you, merci, and I say to you, et je vous dis, this new year, cette nouvelle année, shalom, shalom, shalom unto you, shalom à vous, shalom unto you, shalom à vous, shalom unto your families, shalom pour vos familles, where you had war, où vous êtes en guerre, trouble, dans le trouble, pain, dans la peine, difficulty, dans les difficultés, in that situation, dans ces situations, I stand here now, je me tiens maintenant là, and say for this year, et dis pour cette année 2012, I speak shalom, je dis shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom this year, shalom cette année, into your life, dans vos vies, your churches, dans vos églises, your home, vos foyers, your nations, vos nations, the peace of God, la paix de Dieu, that surpasses all human comprehension, qui surpasse tout toute compréhension humaine. Be with you this year. Soit avec vous cette année. And remember, et souvenez-vous, the Lord led me to stand here. Le Seigneur m'a conduit à me tenir là. And decree for all those tuned in and listening here and out and wherever. Et je décrète pour tous les auditeurs that there is a new door open into your life. Qu'il y a une nouvelle porte ouverte pour vos vies. A door of favor. La porte de la faveur. Blessings and peace. Bénédiction et paix. Peace with God. Paix avec Dieu. Through righteousness of the Lord. À travers la justice du Seigneur. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse.